Quand on pense à OC-117, on pense évidemment à Jean Dujardin. Oui, c'est... Il va falloir ouvrir grand vos yeux parce que la qualité de la prédiction, bon, on fait comme on peut. C'est peut-être mieux sur mon écran. Donc Jean Dujardin, surtout donc depuis 2006, dans les films de Michel Hazanavicius, Le Caire nid d'espion et Rio ne répond plus. Ces films qui ont connu un grand succès, peut-être pour des mauvaises raisons. Et c'est ça que je voudrais un peu questionner. C'est, on a présenté ces films notamment comme des parodies de James Bond ou bien des parodies de l'œuvre elle-même. Or, mon hypothèse, c'est que ce ne sont pas des parodies, ce n'est pas non plus une réponse française aux films d'espionnage américains, ce n'est pas une imitation de la veine fantaisiste. Vous savez que dans le roman d'espionnage, il y a toujours deux catégories, les récits dits réalistes et les récits fantaisistes. Ce n'est pas une imitation de la veine fantaisiste de l'espionnage américain comme Austin Powers, des choses comme ça. Pour moi, c'est un pastiche. Donc un pastiche, c'est à la manière d'eux. Une imitation fidèle d'un style et de la manière d'une série. Cette série, c'est OSS-117. Je voudrais vous la présenter. D'abord, je vais vous montrer quand même deux bandes-annonces des films de Hazanavicius, ne serait-ce que pour présenter le terrain. Donc, il y a un problème de son. Voilà, je suis content. Ouais, bien. Bienvenue au Caire OSS-117, royaume des pharaons et des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte, afin de sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis Larmina, la commande de touche. C'est non compliqué. Hubert, bonisseur de la Batte. Mais ici, je suis Lucien Marmin. Vous voyez l'automobile derrière moi? Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Tu m'en avais eu assez tout à l'heure? C'est toi, arrêtez! J'aime me battre. Je croyais que ça devait piquer. Normalement, oui. Arrêtez. Ne perdons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, Lucien? Bon. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Tout ça ne me plaît guère. Que sommes-nous face à ces chefs-d'œuvre qui ont traversé les millénaires? En vrai, je ne sais pas du tout, là. Tu aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi? Hein? Oh, qu'est-ce que tu es, toi? N'a pas nos mots. Déduction, complétion, discrétion, du pur OSS-117. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Il me semble que dans cet extrait, tous les éléments sont posés. C'est-à-dire son rapport aux femmes, son rapport au monde autre que le monde occidental, son rapport à la violence, son rapport aux voitures. Bref, tout ce qui définit le personnage créé par Jean Bruce est dans cet extrait, ce qui est assez bien vu de la part d'Hazanavicius et de son équipe, parce que les lecteurs s'y retrouvent, et des lecteurs, il n'y en a plus beaucoup, mais en même temps, il y a une accroche pour le public qui ne connaissait plus, ou qui ne connaissait plus, qui n'a jamais connu OSS-117. OSS-117 actuel va être aussi un moyen de prendre position par rapport à une certaine histoire officielle. Je vais vous passer un extrait. C'est aussi le propre du roman d'espionnage de prendre la, l'actualité comme matière première des intrigues. Et donc, quelque part, ça permet à l'auteur de se positionner. On va le voir par la suite, mais encore un tout petit extrait. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Tiens, là. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers? La plupart n'en ont pas. Des bonnes salaires, pas de souliers. J'avoue. Salut Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique de le reste, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. La grande force de Zanavicius, c'est de respecter le code. Il parle de, ce, de la politique de son époque, mais grâce à l'ironie et à la distance qu'il arrive à introduire dans, qu'il arrive à introduire par le jeu de Jean Dujardin, l'horizon d'attente du spectateur est complètement déplacé. Et je crois que c'est le propre, finalement, de ces films, parce que, comme le dit Jean-François Alain, qui est le scénariste d'Azanavicius, donc je lis les romans de 1717 de Jean Brousse, contiennent tout ce qui fut la France des années 50, la 4ème République, la fin de l'Empire colonial, un rapport à la femme assez macho, assez misogyne, mais aussi une certaine condescendance vis-à-vis des peuples colonisés. Ces éléments ne sont certainement pas le reflet de la personnalité de Jean Brousse, mais l'expression d'une époque. Je pense que Jean Brousse aurait le recul nécessaire pour rire de ce film et d'être impensable de redonner vie à son œuvre en respectant son premier degré original. Notre monde a trop changé. Mais en fait, le premier ou le deuxième degré n'est pas dans l'œil de l'auteur, il est dans l'œil du récepteur. Et c'est ça que je voudrais vous montrer tout au long de l'exposé, en vous pointant à chaque fois des traits qu'on retrouve tels quels dans l'œuvre contemporaine de Zanavicius, mais qui était déjà présent, finalement, comme le dit Alain, dans les œuvres de Jean Brousse. Mais avant ça, une petite mise au point sur ce qu'est OSS 117, au départ. Donc c'est une série familiale qui comprend au total 265 romans. 265 romans, c'est proprement énorme. Brousse en a écrit 88 en 24 ans. Sa femme, 143, avec un tirage moyen de 50 000 exemplaires. Ça aussi, c'est proprement formidable. Et ses enfants à Brousse, c'est-à-dire le fils François, issu d'une première rencontre, et sa fille, avec sa femme Josette, ont repris le flambeau et maintenant gèrent un petit peu la fortune familiale, un peu à la manière de John Simon, peut-être de manière moins moulin sardienne. Donc, ils ont relancé le personnage de SS avec un nouveau patron, etc., pour 24 romans, en orientant la série vers un peu plus de sadisme, un peu plus d'érotisme, mais finalement, ça n'a pas connu le succès des premiers tirages. Donc, série familiale, succès populaire incroyable, 265 romans, 17 langues, traduit en 17 langues, pas toute la série, mais il y a 17 langues, 21 pays de traduction. On parle de 75 millions d'exemplaires au total. J'ai lu ailleurs, parce que les sources, c'est très difficile évidemment d'avoir une information précise sur ce genre de données, étant donné que la paralittérature a pour spécificité de ne pas avoir de mémoire. Donc, trouver des sources fiables sur ce type d'objet, c'est quasiment impossible. Donc certains vont jusqu'à 100 millions d'exemplaires. Et finalement, ce tirage va devenir la marque de fabrique de la série, au fur et à mesure. C'est-à-dire, il va y avoir un slogan, avec 50 millions de volumes vendus, les Brousse ont pulvérisé tous les records de l'édition, et vous allez voir que ça passe en fait de 24 millions, 28 millions, 42 millions, 50 millions, On ne le voit pas ici, mais en dessous dans l'écran, il est écrit 55 millions, puis 60 millions, au fur et à mesure des parutions. Donc c'est devenu finalement un gage de qualité en soi que de mettre en évidence ce tirage phénoménal. Alors, on le voit, ce succès, étant, ce succès éditorial est le fait que OSS 117 est un produit calibré, un produit parfaitement formaté, dont les auteurs revendiquent le côté un peu artisanal, artisanal finalement. C'est-à-dire, donc, la trajectoire éditoriale est assez simple, je vais y revenir quand je parlerai de Jean Bruce. Au départ, il est édité au Fleuve Noir, puis finalement, c'est les Presses de la Cité qui vont l'éditer. Au départ, dans une collection d'espionnage, puis dans une autre collection, et finalement, dans la collection OSS 117. J'ai ici toutes sortes de rééditions. Donc, ça, c'est plutôt les premières. Enfin, dans les premières, ce n'est pas les premières. Les premières sont difficilement trouvables. Ça, c'est la série la plus connue, avec le bandeau blanc au-dessus, et des photos assez soft. Puis, au fil du temps, on en est arrivé aux filles un peu plus déshabillées, qui, en fait, est la caractéristique du roman, de l'évolution du roman d'espionnage. J'y reviendrai. Mais au départ, il faut se dire que le roman d'espionnage type SAS, son altesse sérénissime, le prince Marco, va en fait apparaître après la révolution, vers les libérations des mœurs, la révolution de 68. C'est chez Bruce, comme ça commence en 1949, il va falloir quelques années pour que ça se lance vraiment, et le créneau érotisme et violence ne va pas être le créneau directement exploité. Ça va mettre un peu de temps à s'installer. Il y a une forme d'évolution déjà de ce côté-là. Oui, alors, au niveau succès éditorial, rapidement, c'est-à-dire au bout d'une dizaine d'années, les éditions Presse de la Cité vont décliner ces romans en bande dessinée pour adultes, édité aux éditions Arédit, qui sont en fait une filiale de Presse de la Cité, et qui vont permettre aussi ainsi de toucher un public encore plus large. Si vous voulez, je peux vous faire passer ce genre de choses. Voilà. Et à la fin, si vous voulez venir voir les différents volumes. Alors, au moment de la mort de Bruce, dans un accident de voiture, 3 années passent, puis l'éditeur Sven Nielsen, donc des Presses de la Cité, va reprendre contact avec Josette, la femme de Jean, pour lui demander de reprendre la série. Elle va lui répondre, mais je ne suis pas écrivain, lui dit-elle. Et lui non plus, lui a répondu. Et Josette Bruce avait bien conscience que son mari n'était pas un écrivain, la preuve, dans un échange avec Frédéric Dard, donc, l'auteur de San Antonio, vous êtes un écrivain, lui dit-elle, mon mari, lui, est un fabricant. Donc, un produit calibré qui se revendique comme tel et qui a une efficacité assez formidable. La critique, elle, il n'y a déjà pas eu beaucoup de critiques, mais va rapidement cataloguer Bruce sans trop se poser de questions. On va parler de son style gendarme agrémenté d'une pointe de lyrisme, c'est-à-dire parfois il lui prend une envolée avec beaucoup de qualificatifs, mais autrement c'est sujet-verbe-complément et parfois même sujet-verbe. Bruce est un amateur de castagne, mais pas vraiment un amateur de verbe. Enfin, OSS, pardon. Mais vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a quand même une forme de poétique qui va se dégager de ces titres. Je vais y revenir. Avant, je voudrais terminer sur le produit fabriqué. Vu le succès de la série, il va y avoir toute une série de placements de produits au sein des œuvres elles-mêmes. Alors ça va des publicités un peu classiques, insérées dans les romans populaires, donc pour du parfum, Dracar pour les hommes qui aiment la tempête. Je trouve que le slogan colle pas mal avec certains titres d'OSS. Et puis dans les bandes dessinées, donc on a de la publicité pour devenir puissant et musclé. Ça me fait penser à Gaston Lagaffe et sa fameuse, son fameux sirop. Dans l'un ou l'autre épisode, il veut devenir fort et donc il prend une forme de sirop. C'était vraiment dans l'air du temps, ce type de publicité. Alors ces placements de produits vont beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire que dans certaines éditions, à la fin, on trouve une forme de communiqué qui est en fait la dernière page du livre et qui met en scène Hubert Bonnissart de Labatte comme étant de retour chez lui grâce aux bons soins d'une compagnie aérienne de laquelle il a pu profiter des services pour son retour à la maison et suit un long descriptif de tous les services que Hubert a pu utiliser lors de son vol. En quatrième de couverture, alors il y a un concours pour gagner un voyage grâce à cette compagnie aérienne. Donc il y a une forme de perfection marketing au sein de cette œuvre. Mais à l'heure actuelle, James Bond ne fait pas autre chose. James Bond au cinéma, dans le genre placement produit, ou près de nous, The Voice. Je veux dire, la concomitance entre la publicité et la fiction, ou le jeu, ou quoi que ce soit, existe depuis plus de 60 ans sans problème, et bien avant, au 19e aussi. Alors, ce succès incroyable va même être mis en avant dans les adaptations cinématographiques antérieures, parce qu'il ne faut pas croire que Azanavicius a été le premier à adapter l'SS au cinéma. L'SS a été adapté une bonne douzaine de fois. La première adaptation date de 1957 et est quasiment introuvable. J'ai trouvé des extraits VHS numérisés sur YouTube. Je ne vais pas vous les passer, c'est vraiment trop pourri. Même avec un bon écran, on ne voit rien, donc ici, ça servira à rien. Mais j'ai trouvé le film complet, donc un genre de narration du film, dans un magazine. Je vais vous le faire passer aussi. OSS 117 n'est pas mort, et là le ton léger et badin de certains qu'on va retrouver par la suite est peut-être moins présent. Il va y avoir aussi une adaptation avec Michel Piccoli, Le bal des espions, mais c'est pas une adaptation officielle parce que pour des questions de droit ils ne pourront pas avoir le nom de OSS 117. Et puis il y a l'adaptation de André Hunebel dans les années 60, qui est aussi l'auteur de Fantomas, la série avec De Funès. C'est vraiment la grosse équipe de l'époque, avec le même compositeur pour la bande-son, etc. Et là, OSS 117 trouve déjà le ton, me semble-t-il, ou en tout cas en partie, des films actuels. Miraculeuse d'un personnage et de son interprète, Frédéric Stafford, qui réunit toutes les séductions du héros idéal. Fidèle, et vous vous appelez Consuela Moroni. Comment le savez-vous? Je l'ai deviné. Vous aimez les enfants? Oui. Alors leur maman est très jeune. Je suis Noël. J'espère bien que je vous reverrai bientôt. Eh ben avec vous, on ne doit pas avoir le temps de s'ennuyer dans la vie. Avec vous non plus. Caressant. Astucieux. Jetez vos armes. ça? Champagne mexicain, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez comme whisky? Le scotch portugais, monsieur. Apportez-nous deux vodka brésiliens. Ah, monsieur. C'est aussi la mission la plus périlleuse d'ESS 117. Furia à Bahia, c'est le film le plus prestigieux d'André Hunebelle. Je vais arrêter là, vous avez compris. Tout ça pour vous montrer, en fait, que les 13 stéréotypiques qu'on trouve dans la fille de Vanitius me semblent déjà extrêmement présents dans ces films-là. Il n'y a pas de vraie différence. Alors, maintenant, venons-en en deux minutes au statut du genre, le roman d'espionnage. Tous les genres paralittéraires, c'est un des plus illégitimes. C'est vraiment au même niveau, je veux dire, que le roman sentimental pour jeune fille. C'est une forme, d'ailleurs ça se ressent dans ses tirages et dans son mode de distribution, c'est une forme de roman sentimental pour homme qui prône des valeurs assez conservatrices, machistes, réactionnaires. Ces valeurs vont être un genre de frein aussi pour les études sur le roman d'espionnage. C'est-à-dire que ça va avoir peu de succès critique dans la vague des années 60-70 qui s'est intéressée aux paralittératures et au statut de ces littératures de grande consommation. Peu de gens vont s'intéresser au roman d'espionnage. Dans les années 70, en 74, il y a un article qui est autre chose qu'un article qui juge la valeur des œuvres. Il y a un article de Guy Bouchard dans Études littéraires. Il faut attendre les années 80 pour avoir deux livres qui s'y intéressent. C'est Les Anges de Machiavel de Paul Bleton et L'idéologie dans le roman d'espionnage d'Éric Neveu. Ce livre, L'idéologie dans le roman d'espionnage, est en fait une thèse en sciences politiques. Donc, on est encore loin des études littéraires de ce côté-là. Et le roman d'espionnage est considéré comme une forme de super révélateur de la tension idéologique d'une époque. Ce n'est pas du tout pour ses qualités littéraires qu'on étudie. Bleton, en revanche, va poser quelques questions d'ordre plus littéraire. Mais, malgré tout, il restera extrêmement isolé. Alors, ceci, je vais vous le décrire un peu plus, ça sort du bouquin Neveu. C'est l'évolution, en fait, du genre en 30 ans, donc entre la création du genre moderne, parce qu'il y a évidemment des antécédents, mais on peut pointer ça au sortir de la Deuxième Guerre. Cette évolution se marque en 3 temps, finalement, dans lequel OSS 117 se trouve à la jonction des deux. Donc, le premier axe, c'est l'adhésion maximale au camp occidental, c'est-à-dire que le héros travaille pour les États-Unis, vraiment, la CIA, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, de l'autre côté, c'est évidemment la distanciation maximale face à l'Occident, avec des héros qui travaillent pour des organismes dépendants du tiers-monde, voire des organismes hostiles au monde occidental. ça reste une vague très marginale qui apparaîtra en fait en fin de cycle du roman d'espionnage, c'est-à-dire aux alentours de la fin des années 70, début des années 80. Des deux côtés, ici, on a les classiques, les premiers fondateurs du genre, et puis au-dessus, on a ce qui relève plus de la politique fiction, c'est-à-dire des romans extrêmement documentés et dont l'intérêt est fondé sur le dépaysement dû à cette documentation. SAS, par exemple, va se trouver beaucoup plus de ce côté-là. OSS donc se trouve ici. OSS est écrit par un Français, mais travaille en fait pour, comme son nom l'a dit, pour l'ancêtre de la CIA. Et puis pour la CIA par la suite. Si on veut esquisser un début d'approche littéraire, c'est le règne du calembour dans ces romans-là. Il suffit de regarder les titres. Hein. Donc ça, c'est une série de titres. Arizona Zola, Tactique Arctique, Cache-Cache au Cachemire, L'Est à l'Est, Métamorphose à Formose, Délire en Iran, Gâchis à Karachi, mon préféré Moscou à Moscou, Agonie en Patagonie, Alibi en Libye. Bref, on sent que ce titre doit accrocher, doit servir d'étendard. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dès le titre, le décor est posé, ce sera exotique, c'est un roman d'aventure exotique, de voyage extraordinaire, mais en version moderne. C'est une forme de Jules Verne pour un trop-belle. Pas trop comment l'expliquer. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire une forme de géocritique, c'est-à-dire de repérer tous les endroits du monde où OSS est allé traîner ses guêtres et tuer quelques ennemis. Ça permettrait peut-être de redessiner l'imaginaire de la carte du mal d'une certaine époque. Voilà. On va en venir maintenant vraiment à l'œuvre elle-même, hein, après cette présentation du cadre générique, idéologique, etc. Pour vous parler d'abord de l'auteur, qui a une vie, il faut bien l'avouer, assez rocambolesque. On a un peu de mal à y croire, en fait, mais comme c'est toujours le cas pour la paralittérature, les auteurs ont la capacité de produire un discours, de laisser produire un discours sur leur propre vie qui s'avère rapidement invérifiable. Il suffit de penser à Jean Rey, donc c'est pas si au début, il y avait une forme d'emballement autour de sa biographie. Mais Jean Bruce, comme les études à son sujet sont toujours incidentes, toujours au sein d'autres appareils critiques, etc., il n'y a personne qui a vraiment pris le temps d'aller interroger la famille, d'aller vérifier si tout ça était exact. Et donc, ça se recopie de quatrième de couverture en quatrième de couverture jusqu'à la fameuse préface de Gabriel Rolin, paru dans les classiques de l'espionnage. Les classiques de l'espionnage est une série qui a voulu donner ses lettres de noblesse au genre en rééditant dans une collection soi-disant légitime ce type de roman. Donc, c'est un fils de Tellier de la Sarthe. Il a rapidement son brevet de pilote à 18 ans. Il combat dans l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il va choir, se faire abattre, sauter en parachute, parce que c'est un parachutiste confirmé, évidemment. Il va passer les lignes ennemies et revenir en zone libre, là où il va s'inscrire, ça je ne l'ai pas mis, au barreau de droit. Et puis il va s'apercevoir qu'en s'inscrivant au barreau de droit, finalement, il n'est pas très utile, donc il va passer dans la résistance. Et lors d'une mission à Lyon, lors de la libération de la ville, il va se lier avec un espion américain, William Leonard Langer, qui est en fait le véritable agent OSS 117 qui va servir de modèle à son personnage. Puis ensuite, après la guerre, il va entrer dans l'école supérieure de police, où il est responsable d'un journal satirique, le Poulet enchaîné. C'est presque trop beau, en fait. Vous voyez, c'est pas possible, un truc pareil. Et à la fin de ses études, on va le placer dans la section de répression des trafics financiers. ça va être pour lui une mine d'or au niveau inspiration, enfin, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, où il va pouvoir à loisir se documenter sur les tensions politiques mondiales, géopolitiques mondiales. Lors de cette période-là, il va rencontrer sa femme, une polonaise blonde, donc c'est Josette, dans le train Paris-Marseille. Il va en tomber éperdument amoureux, se marier rapidement, tout ça en 47. C'est-à-dire qu'en 47, il a un premier enfant, il lâche la fille qui a donné ce premier enfant et se met avec Josette, avec qui il va avoir une deuxième enfant. Enfants qui, comme je vous l'ai dit, vont reprendre la série par la suite. Il va fonder une firme d'import-export qui va capoter, puis alors là, ça devient vraiment excellent. Il devient joaillier, puis acteur de théâtre, puis secrétaire d'un maharaja, puis vendeur de moutarde. Puis ruiné par la création d'une agence de contre-espionnage industriel, il va à la montagne avec sa femme qui est souffrante, lit un livre de Peter Chenet, et se dit « Mais moi aussi, je peux faire ça. » Facile. En 3 semaines, il boucle son premier roman, passe d'éditeur en éditeur, se fait refuser par tout le monde, et finalement, se fait accepter par une toute jeune maison d'édition qui va se spécialiser dans le créneau, c'est Le Fleuve Noir, 49, où il devient, en quelque sorte, un des premiers auteurs de la maison. Rapidement, il va passer du côté des presses de la cité, où il va connaître le destin éditorial dont je vous ai parlé. Il décède en 68 d'un accident de voiture dans une Jaguar 3 litres 8, je ne sais plus quoi. Enfin, tout ça est documenté, mais il a pris un arbre à 200 à l'heure. C'est ce qu'on entend. Alors, passons maintenant à son personnage, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Avant de passer vraiment aux détails, je vais vous lire un extrait. Je pars. N'importe où. Au hasard des missions. Cette fois, c'est l'Asie. Des bronzes. Des jonques. La Thaïlande. Bangkok. Va pour Bangkok et Banco. Il n'y a que 2 jours que je suis à Bangkok et, depuis mon arrivée, il me semble ressentir des troubles assez étranges. De quel ordre ? Hier après-midi, j'ai eu tout à coup l'impression d'être poursuivi par une auto. Et le soir, en rentrant chez moi, après la soirée à l'ambassade, il est vrai que j'étais un peu fatigué, mais il m'a semblé qu'un homme fouillait dans ma chambre et qu'il se battait avec moi. Quoi attribuez-vous cela, docteur ? Dans ce pays, Monsieur Barton, tout est possible. Eh oui, tout est possible. Je vais arrêter là parce que je voudrais quand même encore vous dire 2-3 petites choses avant la fin. Donc, Hubert Bonisseur de la Batte est d'origine française. Mais ses ancêtres ont immigré en Louisiane à l'époque où, évidemment, on coupait les têtes des aristocrates, donc en 1789. Il travaille pour l'OSS, puis pour la CIA, et ça, c'est peut-être la principale différence avec les films de Zanavicius, parce que l'OSS, c'est un digne représentant du président Coty dans les films de Zanavicius, et pas du tout, il ne travaille pas pour la CIA, il est plutôt en concurrence avec la CIA. Enfin, indépendamment de cette légère différence, le reste est assez fidèle. Un mot sur l'origine du nom, qui lui aussi est un peu rocambolesque. Donc ça vient d'un de ses ancêtres appartenant au milieu de l'époque, donc le milieu de la mafia, quoi, avait été cité comme témoin à décharge dans une affaire où l'un de ses amis était impliqué. Lorsqu'il a dû se présenter, il a dit, X ici le prénom de l'ancêtre, Bonisseur de la Batte, autrement dit témoin d'honorabilité sur bonir, c'est-à-dire parler, et Batte, qui veut dire bien, qui parlait bien de... il allait bien parler de, du type qu'il avait appelé à la Batte. Allez vérifier, je ne sais pas. Les descriptions du héros sont souvent hautes en couleur, je vais vous en lire quelques-unes. Donc Hubert Bonisseur de la Batte était un solide gaillard à la carrure athlétique de sportif en pleine possession de ses moyens, au visage énergique et buriné de prince pirate. Son regard clair, à l'ironie tranquille, se posait sur les êtres et les choses avec cette assurance née d'une vie riche en aventures. Son charme ne laissait aucune femme insensible. Sortant du bâtiment des chemins de fer fédéraux, un voyageur en costume de ville gris clair, portant une lourde valise à la main, se dirigeait vers un chauffeur de taxi d'un pas souple et mesuré de félin. Un homme de haute taille, bâti en athlète, avec de larges épaules musclées, qui avait l'assurance d'un champion et l'allure d'un prince. Mais ce qui frappa surtout le chauffeur, ce fut son visage. Un visage d'aventurier, comme on n'en avait vu qu'au cinéma. Déjà, c'est... Avec un nez droit et des lèvres sensuelles, des cheveux châtains coupés très courts et des yeux bleus dont on soutenait difficilement le regard. Et puis, une description de la préfacière, beaucoup plus trash finalement. Hubert, alias OSS 117, a le cœur tendre et s'il vole d'un lit à l'autre, il n'oublie jamais ses conquêtes. Certes, il les bat à l'occasion. Il les tue ou il les enterre lorsque les circonstances l'y contraignent, mais avec la larme à l'œil. Mi-chevalier, mi-justicier solitaire, il mène en toute indépendance sa guerre contre les truands. Mon hypothèse, et je crois que elle peut se vérifier au fur et à mesure des lectures, je vais essayer ici de vous pointer quelques petites choses, mais là vous avez déjà une première idée, c'est que le monde tel qu'il est présenté dans le roman de SS 117 est en fait un grand terrain de jeu pour Jean Bruce, voire pour son personnage, et aussi pour le lecteur. Et ce terrain de jeu est livré à l'imagination fantasme d'un grand enfant, OSS 117, qui dispose de tout, un peu à sa guise, qui jouit de tout ce qu'il peut, que ce soit les femmes, les voitures, les armes, les bagarres, et que finalement tout ça n'a pas grande importance. Il incarne une forme d'homme blanc sûr de sa supériorité occidentale face aux autres peuples qui ne sont que des instruments pour sa propre jouissance. Et cette forme, bon, irrecevable bien sûr aujourd'hui, mais l'ironie qui se cache derrière et le fait de pouvoir se moquer de ce personnage qui met les pieds dans le plat constamment fait que ça fonctionne, enfin, son humour, cette certitude fonctionne encore à l'heure actuelle. Mais comme je vous l'ai montré, les caractéristiques du personnage se retrouvent déjà à l'époque. Ce qui a vraiment changé, c'est la manière dont on reçoit ces frasques, je veux dire. Et puis aussi, la deuxième dimension, c'est que OSS est un personnage attachant qui a parfois des traits de génie. Tout le monde se souvient de la scène de la mandoline dans le premier, où il est capable d'infiltrer un bar arabe en se faisant passer pour un joueur de mandoline. Il fait semblant d'écouter et puis il se retrouve au centre de l'intérêt de la salle, étant donné qu'il s'est au centre de la salle. Et donc là, il improvise une chanson à la mandoline et chantée en arabe sans l'ombre d'une hésitation. Alors, c'est ce décalage entre ces traits de génie qu'on retrouve parfois dans les romans, parfois il va avoir un éclair de lucidité qui peut paraître un peu étonnant, et cette beaufrie totale qui fonctionne assez bien. Donc je vous ai mis quelques petits extraits, la manière dont il traite les femmes, je vais vous les lire parce qu'on les voit mal. Donc là, il accède à un laboratoire qui développe un produit qui, soi-disant, se serait fait transmettre aux Russes. Et donc, il interroge les trois personnes qui ont accès à ce laboratoire, qui sont trois docteurs, trois chercheurs, et il y a une femme dedans. Et il demande « Mais il n'y a que nous qui puissions accéder dans le laboratoire proprement dit. Et qui fait le ménage ?» demande-t-il. « C'est moi qui m'en charge, » dit la femme. « Voyons comment vous vous en sortez. Mes compliments, tout est dans un ordre parfait. » Donc, ça me paraît assez étonnant quand même de demander qui fait le ménage. Et évidemment, c'est la femme, mais ce stéréotype qui ressurgit comme ça au coin de l'aventure me paraît bizarre. Alors là, il vient de s'introduire dans un feu rouge, dans une voiture, et c'est une jeune femme qui conduit. Il lui dit « Que feriez-vous si je vous disais de tourner à gauche ?»« J'obéirais, bien entendu, je tiens à ma peau. » Et il réplique « C'est normal, elle est très belle. » Qu'arrive-t-il, vous vous transformez en Casanova ? Donc, son rapport aux femmes est extrêmement direct, on va dire. Là, il rencontre une demoiselle qui est la compagne, normalement, de celui dont il voulait visiter discrètement l'appartement. Et il commence à discuter avec elle. Elle se confie à lui et il lui répond « Pour se consoler, il a bu deux fois plus, bien entendu, et il ne s'occupe plus de moi. Impardonnable, dit-il. Vous moquez de moi ? Non, non, vous êtes vraiment très jolie. Eh bien, vous savez parler aux femmes, colonel, et j'avais vraiment envie d'un complément. Alors, si vous voulez, nous pourrions attendre Larry ensemble. Avec vous, au moins, on ne perd pas de temps. Entre deux baisers, je vais poser quelques questions. Souvent, ces filles en savent long sur leurs amants. Pense-t-il ? » Alors, c'est très amusant parce qu'on a toutes ces pensées. Alors, parfois, pendant 20 pages, il n'y a que lui qui pense. Et il pense, par exemple, qu'il s'arrête et il commente son action. « Je ne vais pas m'endormir maintenant parce que je suis sûr qu'on va m'attaquer. » C'est à peine caricaturé. Donc, quelques heures plus tard, Hubert se rendit compte qu'il avait surestimé Elisa au moins sur un point. Et là, la phrase est assez choc. « Rien à faire, j'ai retourné Elisa dans tous les sens, mais il est évident que Larry ne s'est jamais convié à elle. » Et elle sort de la douche en disant « Ah, j'avais besoin d'une bonne douche. » Donc, les voitures. Ça, c'est un peu son côté James Bond, bien qu'il ne faut pas penser que, dans un premier temps en tout cas, OSS soit un décalque de James Bond. Au contraire, il est paru bien avant, 5 ans, je crois, avant le premier James Bond. Et même les adaptations cinématographiques, comme je vous l'ai dit, la première date de 57, et je crois que le premier James Bond, c'est 61 ou 62. Donc, il n'y a pas de décalque. Malgré tout, il y a un intérêt commun, et je crois que c'est plus un air du temps qu'une inspiration mutuelle. Donc, c'est une fascination pour les belles automobiles. Ma voiture est au point. Oui, monsieur, nous y avons apporté toutes les modifications que vous aviez demandées avant votre départ. Suis quelques cases, et puis, il arrive à distancer ses ennemis avec cette voiture. Les mécaniciens ont fait un travail parfait. Adieu l'autosuiveuse, elle perd 10 mètres par seconde. Alors, la violence et l'alcool, bon, là, je vais aller un peu plus vite parce que je sais pas combien de temps il me reste. 58, donc là, je dois vraiment aller vite. À la vue du contenu du paquet, Leila s'évanouit. Une petite oreille d'enfant toute sanglante était dans la boîte. Oh, fait-elle, et elle s'évanouit. Et puis, une case, et puis, te sens-tu mieux ? Lis le message qu'il y avait dans la boîte. Je vais y aller et te rapporter une collection d'oreilles comme tu n'en as jamais vu. Donc, l'esprit de vengeance, etc. Alors, pour affronter les difficultés, pour essayer de supporter le choc qui prévoit, Hubert avale une gorgée de whisky. Il picole tout le temps, vous l'avez vu, mais uniquement des choses de choix, évidemment, donc de la vodka brésilienne, par exemple. Alors, les prises de conscience, je vais passer. Je suis désolé, ceux que ça intéresse, je peux vous les lire, mais en gros, c'est quand il s'interroge sur sa position dans le monde, parce que, malgré tout, OSS a des sortes d'états d'âme. C'est comme si Jean Bruce, à certains moments, se disait « Là, je vais trop loin, je vais quand même me poser deux, trois questions. » Là, il se dit « Mais finalement, mon adversaire, s'il était né en Occident, il aurait pu être à ma place, etc. » Et ici, c'est quand il s'aperçoit qu'en fait, Monsieur Smith lui dit que les Grecs vont collaborer. « Oui, reprit-il en soufflant la fumée, comme ça, nous verrons si les Grecs ne nous cachent rien. Pardon. » Il prit son temps, toujours cabotin, donc Monsieur Smith. Les Grecs viennent nous faire savoir qu'ils acceptaient de nous transmettre l'invention du lieutenant de vaisseau Hector Koukoulis. Les essais sont terminés. OSS, donc, je cessais de respirer, je pensais à tous les morts que nous avions laissés derrière nous, pour rien. Et ainsi de suite. Et en fait, il me semble que celui qui permet le mieux de comprendre OSS 117, c'est Belmondo dans Le Magnifique. Et je termine là-dessus, je vous montre juste cet extrait-là. craignez rien, mon petit. Je suis là. Non, c'est de vous dont j'ai peur. Qu'ai-je donc de si effrayant? Petite fille. Call me Washington. C-O-F-O-O-O. Argent. Call me back. 5. Qui Rodriguez téléphonait-il lorsque le requin est entré dans la cabine? Au colonel Collins, l'attaché militaire de l'ambassade. Prenez voir rendez-vous avec lui. Tatiana. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok. Je t'aime. Océan immense comme mon âme. Ta plainte, teintée d'écume, meule un amer mélange. C'est très beau. De qui est-ce? De moi. Je vais courir avec toi sur cette plage. Complètement nu. Lécher le sel de ta peau. Oh, bon. Voilà. Sauf que, comme figure de l'écrivain Paralitella, ça a posé. Merci. Si vous avez des questions, je n'ai pas laissé de temps, mais je suis à votre disposition pour